La Bible David Martin 1855. Le livre de Jonas le prophète. Jonas chapitre 1. Or la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en disant, lève-toi, et t'en va à Ninive, la grande ville, et tonne contre elle, car leur malice est montée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva pour s'enfuir en Tarsis, de devant la face de l'Éternel, et descendit à Jaffo, où il trouva un navire qui allait en Tarsis. Et ayant payé le port, il y entra, pour aller avec eux en Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Mais l'Éternel éleva un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tourmente dans la mer, de sorte que le navire se pense à rompre. Et les mariniers eurent peur, et ils crièrent chacun à son Dieu, et jetèrent dans la mer la charge du navire, pour l'en décharger, mais Jonas était descendu au fond du navire, et y était couché, et il dormait profondément. Alors le maître pilote s'approcha de lui, et lui dit, « Qu'as-tu, dormeur ? Lève-toi, crie à ton Dieu, il pensera peut-être à nous, et nous ne périrons point. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, et jetons le sort, afin que nous sachions à cause de qui ce mal nous est arrivé. » Ils jetèrent donc le sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Déclare-nous maintenant, pourquoi ce mal ici nous est arrivé ? Quel est ton métier, et d'où tu viens, quel est ton pays, et de quel peuple tu es ? » Et il leur dit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et le sec. » Alors ces hommes furent saisis d'une grande crainte, et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes avaient entendu qu'ils s'enfuyaient de devant la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Et ils lui dirent, « Que te ferons-nous, afin que la mer se calme ?» Nous laissant en paix ? Car la mer se tourmentait de plus en plus. Et il leur répondit, prenez-moi, et me jetez dans la mer, et la mer s'apaisera, vous laissant en paix, car je connais que cette grande tourmente est venue sur vous à cause de moi. Et ces hommes voguaient pour relâcher à terre, mais ils ne pouvaient, parce que la mer s'agitait de plus en plus. Ils crièrent donc à l'Éternel, et dirent, Éternel, nous te prions que nous ne périssions point maintenant à cause de l'âme de cet homme-ci, et ne mets point sur nous le sang innocent, car tu es l'Éternel, tu en as fait comme il t'a plu. Alors ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer, et la tourmente de la mer s'arrêta. Et ces gens-là craignirent l'Éternel d'une grande crainte, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel, et vouèrent des vœux.